Est-ce que ça te va la basse? Ça te va la basse? Ça va si je fais ça à la guitare. Carré. On va faire un truc. We'll be right back. fait ça. Comme de la latence. Carrière.